إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc on est aujourd'hui dans le cours numéro 29 dans l'explication de l'usul al-thalatha avec le sharh du Cheikh Saleh Al-Fawzan. On a expliqué au dernier cours qu'est-ce qui a rapport avec le fait de croire en le témoignage de Muhammad Rasulullah, shahadatu anna Muhammadan Rasulullah, le témoignage que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Qu'est-ce que ça signifie? Et on n'a pas terminé d'en parler. On va juste revenir sur le dernier verset qu'on avait mentionné, qui est le verset que le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab a mentionné, le verset 128 dans sourate Tawbah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. Donc il vous est certes venu un messager de par vous-même, à qui pèse lourd ce que vous avez comme difficulté, et qui est plein de sollicitude envers vous, et qui est miséricordieux et indulgent et plein de clémence pour les croyants. Donc le cheikh il dit à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en disant que il a comme caractéristique la miséricorde, وصفة الرحمة فليس بغليظ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. C'est-à-dire, c'est par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala que tu as été, doux envers eux, tu as été doux envers les croyants et indulgent envers les croyants, mais si tu avais été dur de cœur avec eux et rude, ils seraient éloignés de toi. Si tu aurais été dur de cœur et rude, ils se seraient éloignés de toi. Donc le cheikh il parle à ce sujet-là, il dit كان صلى الله عليه وسلم متواضعا لينا مع المؤمنين يخفض لهم جناحه ويستقبلهم بالمحبة والعطف والإحسان، وهذا من صفاته صلى الله عليه وسلم. وذكر الله سبحانه وتعالى خمس صفات في هذا الرسول صلى الله عليه وسلم: الأولى أنه منكم، الثانية عزيز عليه ما عنتم، الثالثة حريص عليكم، الرابعة بالمؤمنين رؤوف الرحيم، الخامسة رحيم. خمس صفات من صفات هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وخص المؤمنين بالرأفة والرحمة لأنه صلى الله عليه وسلم كان غليظا على المشركين والمعاندين يغضب لغضب الله عز وجل، كما قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. الرحمة والرأفة خاصة بالمؤمنين، وهكذا المؤمنون بعضهم بعض، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذه صفاته صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il explique que le prophète صلى الله عليه وسلم il était doux et humble avec les croyants. Il était doux et humble avec les croyants. Et il tendait son aile sur les croyants et il les accueillait avec yani, avec joie, avec amour, avec affection, avec bonté. Ça, c'est les caractéristiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était comme ça avec les croyants. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset qu'on a mentionné, il a cité cinq caractéristiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Premièrement, qu'il fait partie de vous, c'est-à-dire c'est un parmi les êtres humains. Et deuxièmement, qu'il est, yani, disons que, yani, qu'est-ce qui nous arrive, ça le concerne, ça l'affecte. S'il nous arrive quelque chose de mal, il se sent touché par ça, il se sent affligé par ça. Hein? Donc, ça c'est une autre de ses caractéristiques. Troisièmement, harisun alaykum, yani il veut du bien pour vous. Il est plein de sollicitude pour vous. Et quatrièmement, il est indulgent, clément envers les croyants. Et cinquièmement, il est miséricordieux. Donc, cinq caractéristiques de ce prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais lorsque Allah subhanahu wa ta'ala mentionne à son sujet qu'il est plein de sollicitude, plein de clémence et miséricordieux, il mentionne que ça c'est pas spécifiquement envers les croyants. Parce qu'il était rude et dur envers les mushrikin et les, ceux qu'il appelle les mu'anidin, c'est-à-dire ceux qui s'obstinent et qui s'objectent à la vérité avec obstination, qui refusent avec acharnement de suivre la vérité et d'accepter la vérité. Avec ceux-là, il était rude, il était dur avec eux. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, également se mettait en colère pour la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il se fâchait jamais pour lui-même, il se mettait jamais en colère pour lui-même. C'est-à-dire, il se fâche pas parce que quelqu'un lui fait quelque chose de mal par rapport à sa personne lui-même, ou parce que quelqu'un l'insulte, ou parce que quelqu'un lui fait quelque chose à lui ou dit quelque chose de lui. Il se fâche uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire tout ce qui a rapport avec la religion d'Allah et la vérité. Si tu t'attaques à Allah subhanahu wa ta'ala, à sa religion ou à la vérité, là il se fâche. Ou bien si tu t'attaques à sa personne par rapport au fait qu'il transmet le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, là il se fâche. Mais si c'est quelque chose de personnel, des choses de ce genre, alors là il ne se fâche pas pour lui-même, il se fâche pour yani, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est comme ça que le croyant doit être. S'il se fâche, il se fâche pour Allah. Et il mentionne le verset dans le Coran justement à ce sujet-là. Ô prophète, lutte contre les kuffars et les munafiqin et sois dur envers eux. Jahid al-kuffara wal munafiqin waghlud alayhim, sois rude et sois dur envers eux. Et leur destination est l'enfer, et quelle mauvaise destination. Donc, ça fait aussi partie des caractéristiques du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il était dur envers les kuffars et les munafiqin. Donc, des fois, par exemple, on va, répondre aux kuffars et aux munafiqin qui combattent l'islam ou qui critiquent l'islam, et on leur répond avec, parfois, de l'agressivité et de l'agressivité dans le sens, dans la façon de leur répondre, dans le ton qu'on emploie avec eux. Et on se met en colère pour Allah subhanahu wa ta'ala en utilisant de la dureté dans nos propos parfois. Et pour certains, ça c'est considéré par certains comme étant un mauvais comportement ou un manque de sagesse ou des choses de ce genre, alors que c'est pas nécessairement le cas. Il faut voir dans chaque situation et dans chaque circonstance, il y a une façon de parler, une façon de répondre. Parfois c'est mieux d'utiliser la douceur, et parfois c'est mieux d'utiliser la rudesse ou la dureté, et de répondre avec fermeté, parce que sinon ça peut avoir des effets contraires et plus négatifs. Donc il faut avoir de la sagesse pour être capable de discerner quand est-ce qu'on doit employer telle façon ou l'autre. Mais la règle générale, c'est d'utiliser la douceur, sauf qu'il y a des cas d'exception où parfois on va employer la dureté lorsque c'est nécessaire. Et le cheikh il mentionne ici wal-rahma wal-rahfa, donc le fait de que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a de la miséricorde, de la clémence envers les croyants, ça c'est spécifique aux croyants, et de même que les croyants les uns envers les autres, ils doivent avoir de la miséricorde entre eux. Allah subhanahu wa ta'ala il a décrit ça, il a décrit les croyants de cette manière là dans sourate al-fath. Il dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Et ceux qui sont avec lui sont durs envers les kuffars, c'est-à-dire durs envers les non-croyants, rohama ou bainahum, tandis qu'entre eux, ils sont miséricordieux. Donc les croyants, les mu'minoun, ceux qui croient en tawhid, ceux qui croient au messager d'Allah, en la sunna, et qui suivent ça, ils sont doux et miséricordieux entre eux, tandis que ceux qui défendent le shirk et qui défendent le kufr, ou qui s'opposent à la sunna, qui propagent des bid'ah, eh bien, il faut avoir une certaine dureté avec eux. Bien entendu, dans les limites de la charia, selon les principes et les règles. Et ça, donc, c'est les caractéristiques du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le cheikh, il explique la définition de Muhammad Rasulullah. Le fait qu'on croit que Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est le messager d'Allah. Il dit, « Wa ma'na shahadatu anna Muhammadan Rasulullah, ta'atuhu fima » فيما أمر تصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. Ça c'est quatre choses que le cheikh mentionne pour expliquer la signification du témoignage de Muhammad et le messager d'Allah. Première chose, c'est qu'il faut lui obéir dans ce qu'il a ordonné. Il faut lui obéir dans ce qu'il a ordonné. Première chose. Deuxième chose, il faut croire en ce qu'il nous a donné comme information à propos de la religion d'Allah. Donc ça c'est la deuxième chose, croire en ses informations et en ce qu'il dit. Troisième chose, il faut s'écarter des choses qu'il nous a interdit de faire ou qu'il nous a blâmé de faire. Hein? Et qui nous a réprimandé de faire. Il faut s'écarter de ce qu'il a interdit. Ça, c'est la troisième chose. Quatrième chose, et que lorsqu'on adore Allah, on doit uniquement adorer Allah parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a transmis de la révélation et qu'est-ce qu'il a légiféré. C'est uniquement par cette façon-là qu'on doit adorer Allah et non pas par qu'est-ce qu'un autre prophète a légiféré. Ou bien, qu'est-ce que quelqu'un d'autre qu'un prophète a légiféré parmi les gens? Sinon, on tombe dans l'innovation. Donc ça, c'est ce que le cheikh maintenant, cheikh Al-Fawzan, va expliquer en détail. Cheikh, il dit, « Shahadatu anna Muhammadan Rasulullah, laha ma'nan, wa muqtada, laysat lafzan yuqalu faqat, fa ma'naha an ta'tarifa bilisanika wa biqalbika, annahu Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. » تنطق بلسانك وتعتقد بذلك أو تعتقد ذلك بقلبك أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc le fait de témoigner que Muhammad est le messager d'Allah, ça a une signification. Et c'est pas juste une parole qu'on dit avec la langue seulement. Ça a une signification. Donc parmi la signification, il faut que tu reconnaisses par ta langue et par ton cœur que c'est le messager d'Allah. Pas seulement avec ta langue, il faut que tu y crois dans ton cœur que c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais sinon le cheikh il dit amma at-talaffuz bil-lisan wal-inkar bil-qalb fa hadhihi tariqatul munafiqin kama akhbarana Allah anhum kama akhbarana Allah anhum biqoulihi إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة يعني جعلوا أيمانهم أي شهاداتهم أو شهاداتهم سترة يعني يستترون بها فصدوا عن سبيل الله فدل على أن النطق باللسان لا يكفي. Donc le cheikh il dit, le fait de prononcer la parole, de dire Muhammad est le messager d'Allah avec la langue seulement, puis de nier ça par le cœur, ça c'est la méthode des hypocrites, la méthode des munafiqin en arabe. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé d'eux dans le Coran. Lorsqu'il dit dans le verset 1 et 2 dans Surat al-Munafiqun, lorsque vient vers toi les hypocrites, les munafiqun, ils disent, nous témoignons que tu es le messager d'Allah. Mais, et Allah sait certes que tu es son messager. Et Allah témoigne que les hypocrites, les munafiqun, sont des menteurs. Ils ont pris leur serment, leur témoignage, comme un bouclier. Donc ils utilisent leur témoignage de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah comme un bouclier pour se protéger. Hein? Alors que dans leur cœur, ils sont kuffars, ils sont mécréants. Donc le cheikh, il dit, ils prennent leur témoignage comme une barrière ou comme quelque chose pour se protéger. Et ils utilisent ça comme un prétexte par la suite pour obstruer le chemin d'Allah et la propagation de l'islam. Ok? Donc, ça c'est la preuve que de dire avec la langue qu'on croit en le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais qu'on n'y croit pas réellement dans notre cœur, que ça c'est insuffisant. Le cheikh dit ensuite, وَكَذَلِكَ اَعْتِقَادُ الْقَلْبِ مَعَا عَدَمِ النُّطْقِ بِاللِّسَانِ لِمَنْ يَقْدِرُ عَلَى النُّطْقِ ايضا لا يكفي فان المشركين يعلمون انه رسول الله ولكنهم يعاندون كما قال تعالى قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانه لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون فهم بقلوبهم يعترفون بالرساله ويعرفون انه رسول الله ولكن منعهم الكبر ومنعهم العناد من الإقرار برسالته. Donc le cheikh, il dit de même que c'est pas correct non plus de croire seulement avec le cœur sans le dire avec la langue. Si tu fais juste des mots, je crois en le messager d'Allah dans mon cœur, mais tu veux pas le prononcer avec ta langue, tu veux pas le dire Muhammad Rasulullah, dans ce cas là ça suffit pas. Le cheikh, il dit que les mushrikoun, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils savaient que le messager d'Allah, c'était réellement un messager. Et ils croyaient que ce qu'ils disaient, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais, ils faisaient ça par arrogance ou orgueil. Ils refusaient de le dire avec la langue. Hein, par fierté ou par arrogance. Et, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne ça justement dans le verset 33, dans surat al-An'am. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, certes nous savons que ce qu'ils disent te rend triste, hein, t'attriste. Ce que les mushrikoun disent, ça t'attriste, mais ce n'est pas toi qu'ils traitent de mensonge. Mais les injustes traitent plutôt les signes d'Allah. C'est les signes d'Allah qu'ils renient. Donc c'est pas qu'ils considèrent le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam comme étant un menteur. Ils savent qu'il est véridique. Ils savent qu'il est une personne honnête. Hein? Même avant l'islam, ils l'appelaient Al-Amin. C'est-à-dire, avant la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avant qu'il soit envoyé avec la mission en tant que messager, il avait le surnom parmi les Arabes d'être Al-Amin. Al-Amin signifie la personne qui est fiable, qui est honnête. Ok, donc les Arabes le connaissaient comme étant quelqu'un d'honnête qui ne ment pas. D'accord. Donc comment par la suite ils vont renier ce qu'il dit au sujet d'Allah? Non, ils savent que ce qu'il dit au sujet d'Allah c'est la vérité, mais ce que les mushrikoun rejettent, c'est les signes d'Allah eux-mêmes. Ils ne veulent pas croire. Hein? C'est pour ça. Donc le fait de reconnaître que ils croient en le messager, c'est pas suffisant. Si quelqu'un, il reconnaît que le messager d'Allah est réellement le messager d'Allah dans son cœur, mais qu'à cause de son orgueil, de sa fierté, il refuse de le dire, il refuse de le confirmer avec sa langue, alors dans ce cas-là, c'est inutile. وَكَذَلِكَ مَنَعَهُمُ الْحَسَدِ كَمَا عِنْدَ الْيَهُودِ وَعِنْدَ مُشْرِكِ الْعَرَبِ وَكَانَ أَبُو جَهَلْ يعني أبو جهل اسمه عمر بن هشام يعترف ويقول كنا نحن بنو هاشم متساويين في كل الأمور ولكنهم قالوا منا رسول وليس منكم رسول من أين نأتي برسول؟ فلذلك أنكروا رسالته حسدا لبني هاشم. ويقول أبو طالب في قصيدته: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذلك بذاك مبينا. يعترف بقلبه برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن منعته الحمية الجاهلية لقومه، فلم يكفر بدين عبد المطلب الذي هو عبادة الأصنام، فهم يعترفون بنبوته بقلوبهم، فلا يكفي الاعتراف بالقلب أنه رسول الله، بل لا بد أن ينطق بلسانه. Donc ça, c'est des points très importants qu'on est en train de mentionner au sujet de la foi en le messager d'Allah, qui sont des bases pour nous dans notre compréhension de l'islam. Ces principes-là qu'on est en train de mentionner sont des fondements très importants que beaucoup de musulmans, malheureusement, n'ont pas compris ou ignorent parfois. C'est pour ça que c'est très important de les connaître et de les comprendre correctement. Le cheikh, il dit, de même que, yani également, parfois, certains ont été empêchés de prononcer le témoignage par la langue à cause de leur jalousie. Comme par exemple les juifs. Les juifs, ils ont refusé de croire en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'ils attendaient un messager depuis longtemps. Mais quand il est venu, ils ont refusé de croire en lui. Pourquoi? Parce qu'il ne faisait pas partie des fils d'Israël. Et eux, ils voulaient absolument que le prophète, le messager, soit des fils d'Israël et non des fils d'Ismaïl. Donc, qu'est-ce que l'on veut dire par là? C'est que Israël, en fait, c'est le prophète Jacob. Ok? Israël, c'est Jacob. Jacob, il a eu 12 fils. Abraham a eu Isaac et Ismaël. Isaac est le père de Jacob. Ok? Et Jacob a eu 12 fils. Et de ces 12 fils sont venus les 12 tribus d'Israël. Ok? Du côté de Abraham a eu aussi, donc il a eu Isaac, il a eu Ismaïl. Ismaïl, de son côté, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est venu. Il vient de la branche des fils d'Ismaïl. D'accord? Les juifs, eux, voulaient que le prophète vienne de leur côté à eux, des 12 fils. Donc, ils voulaient qu'il vienne de Jacob, hein, de la lignée de Jacob. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a décidé que le prophète, le dernier prophète, allait sortir de Ismaïl, de Abraham par son fils Ismaïl. Hein. Et donc, eux, ils ont été jaloux. Ils ont refusé de croire en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Une des raisons, c'est à cause de ça. Et non, à cause de la fierté. Alors qu'ils reconnaissent le message, ils reconnaissent que ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est la vérité. Et qu'est-ce qu'il a dit, ça vient confirmer ce que les messagers avant lui ont amené. Donc il n'y a aucune raison de le rejeter, mais par fierté, pour leur origine, pour le fait de dire, nous on est de telle origine, on veut que notre prophète soit de telle origine, s'il n'est pas de notre origine, on ne veut pas croire en lui. Alors que c'est la vérité, ça c'est de l'arrogance et de la jalousie. Donc ça c'est l'exemple des juifs. La même chose chez les arabes, parmi les mouchriquins, hein, comme par exemple Abu Jahl, Amr ibn Hisham, il reconnaissait, hein, que c'est un prophète. Il reconnaissait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est un prophète. Mais lui, Abu Jahl, il a été jaloux. Il a été jaloux de la même manière que les juifs ont été jaloux par rapport à la question de fierté, par rapport à la tribu, par rapport à la famille. Hein. Il a dit, nous, on était toujours en compétition avec la famille de Hashim, Banu Hashim. C'est parmi les descendants d'Ismaël, il y a différentes tribus arabes. Parmi ces tribus, il y a la plus noble, qui est la tribu de Quraysh. Parmi les tribus de Quraysh, il y a des familles, des grandes familles. Et la plus grande, une des plus grandes parmi elles, c'est la famille de Bani Hashim. Et il y a toujours des compétitions entre les familles pour savoir laquelle va être la plus noble, la plus, hein, mais la meilleure. Donc, lui, c'est ce qu'il dit, Abu Jahl. Lui, il fait partie d'une autre famille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie de Bani Hashim, la plus noble des familles arabes. Et lui, Abu Jahl, il fait partie d'une autre des familles. Alors, il dit, nous, on était toujours en train de compétitionner et on était à équivalence, on était à égalité dans toutes choses avec Bani Hashim. Mais, à un moment donné, ils ont dit, on a un prophète parmi nous. Alors, il a dit, et nous, d'où est-ce qu'on va sortir avec un prophète? Comme ça, on vous l'a dit, comment on va, nous aussi, avoir un prophète parmi nous? On n'est pas capable. Donc, ils ont nié la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par jalousie pour Bani Hashim à cause de ça. Donc tu vois, des fois à cause de ça, les gens peuvent rejeter la vérité juste parce que quelqu'un vient d'un autre peuple ou d'un autre pays. C'est comme par exemple aujourd'hui, tu vas voir, tu vas parler de l'islam à certains musulmans qui viennent de certaines origines. Ils ne veulent pas accepter certains aspects de l'islam parce que eux, ils ne les connaissent pas dans leur pays. Alors qu'ils font partie de la sunna. C'est des choses qui font partie de la sunna, qui sont dans le Coran et dans la sunna. Mais qui sont appliquées dans certains pays musulmans, mais pas dans d'autres. Alors, puisque eux, ils ne l'ont pas connu dans leur pays, ou dans leur culture, dans leur pratique, dans leur coutume, ils ne veulent pas l'accepter. Et nous, on ne connaît pas ça, donc on le rejette. Alors que ça fait partie de la sunna. Hein? Juste par rapport à dire, c'est les gens de l'autre pays qui font ça, nous on veut pas le faire parce que ça fait pas partie de nos coutumes ou de nos pratiques, alors que ça fait partie de la sunna. Ça, c'est pas correct de rejeter des choses comme ça à cause des raisons pareilles. Ou bien des fois, qu'est-ce que tu vas trouver, c'est qu'il y a des peuples qui sont pas musulmans, comme des chrétiens ou autres, qui refusent de devenir musulmans parce qu'ils disent l'islam c'est la religion de tel peuple ou de tel peuple. Et nous on n'est pas de ce peuple-là. Hein? Comme si par exemple, si une religion elle est connue dans tel peuple, ils disent ok, cette religion-là c'est une religion qu'on accepte parce qu'elle est connue chez nous. Mais si cette religion-là n'est pas connue chez nous, on ne veut pas l'accepter. Hein? Ça c'est ridicule. Alors que c'est là, surtout si quand on sait que quelque chose, on t'amène les preuves, on t'amène les exemples, les explications, les arguments solides. Pour te montrer que, qu'est-ce qu'on dit, c'est la vérité, qu'il y a un seul Dieu, que rien mérite d'être adoré excepté lui, et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un messager envoyé par Allah, on t'amène les preuves de ça, et on te montre que Jésus c'est pas Dieu, que Jésus c'est pas le Fils de Dieu, hein, et on te montre les clarifications au sujet de toutes ces choses-là, puis toi par la suite tu dis, ah non, mais nous on est de telle origine, donc nous on doit être chrétien, on peut pas être musulman, musulman c'est des arabes, ça c'est de l'orgueil, de l'arrogance, de la fierté. On ne peut pas rejeter quelque chose pour ça, pour des raisons comme ça. Sinon, ça prouve qu'on n'est pas sincère dans notre quête de la vérité. On n'est pas sincère dans notre quête de qu'est-ce qui est le chemin qui mène vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il donne le cheikh l'exemple aussi d'un autre, une autre personne qui est l'oncle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib. Abu Talib, il disait dans une poésie qu'il a composée ou rédigée, il disait, j'ai su que la religion de Muhammad, son neveu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est la meilleure des religions qui existent dans le monde, mais si ce n'était pas de la peur du blâme ou de la peur des insultes que je vais recevoir de mon peuple si je quitte la religion de mon peuple pour entrer dans la religion de l'islam, tu m'aurais vu reconnaître ça de façon claire et évidente. C'est-à-dire que lui, il aurait accepté l'islam, mais par peur des insultes de son peuple, que les gens disent, ah regardez, Abu Talib, il a abandonné la religion de son père. Il a abandonné la religion de ses ancêtres, il a suivi son neveu. La peur de la honte ou de l'insulte ou des choses comme ça, ça fait qu'il rejette, il a rejeté la vérité. Donc, il a reconnu au fond de son cœur que le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam c'est la vérité, mais qu'est-ce qui l'a empêché de le déclarer avec sa bouche et de le dire ouvertement, c'est cette appartenance qu'il avait à la religion de son peuple par amour pour la fierté qu'il a de son peuple et des choses de ce genre et des coutumes, il a refusé de croire en l'islam. Donc, lorsqu'il était sur son lit de mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, est-ce que tu acceptes l'islam? Dis la ilaha illallah Et lui, il a dit non, je reste sur la religion d'Abdul Muttalib, c'est-à-dire la religion des idoles, l'adoration des idoles. Donc, dans son cœur, il a reconnu la religion de l'islam, mais il l'a pas accepté, il n'a pas voulu le dire avec sa langue par fierté ou bien par arrogance. Eh bien, ça c'est la preuve que ce n'est pas suffisant de reconnaître quelque chose par le cœur, de dire que le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est réellement le messager d'Allah, tu le crois dans ton cœur, mais tu ne le dis pas avec ta langue, ce n'est pas suffisant. Hein? Subhanallah. Donc des fois comme ça, j'ai des discussions avec des Haïtiens ou des gens de d'autres pays. Je discute avec eux sur l'islam, je leur montre les preuves, je leur explique le tawhid, l'unicité de Dieu, qu'il y a juste un Dieu, que c'est lui seul qui doit être adoré. Hein? Et puis à la fin, tu vois, il ne veut pas accepter. Pourquoi? Parce qu'il dit, ah non, nous on est haïtiens, on veut rester sur la religion des haïtiens. Tu vois, la religion des haïtiens, c'est quoi? Le voodooisme. Ou bien ils vont dire le christianisme. Hein? Le shirk. Exactement, d'associer avec Allah subhanahu wa ta'ala des êtres ou des créatures dans leur adoration. Hein? Au lieu d'adorer Dieu directement et seul, ils vont adorer des djinns, des diables, hein? Ils vont adorer des images, des hommes, des prophètes, hein? Jésus ou d'autres. Donc ça c'est l'exemple que certaines personnes ont. Hein? Et comme ils ont cette fierté-là, et puis il dit, ah, on n'est pas des Arabes, hein, en voulant dire, il regarde les autres peuples avec mépris. C'est pas seulement chez les Haïtiens. Il y a cette même attitude-là dans différents peuples. Hein, chez certains Québécois, des fois, on a remarqué cette attitude. Hein, et d'autres. Aussi, nous, nos ancêtres, on est tous chrétiens. Hein, en Europe aussi, la même chose. C'est très fort aussi en Europe, parce que l'Europe, c'est des pays anciens. Hein, l'Amérique, le Canada, c'est des pays jeunes. Il n'y a pas beaucoup d'histoire, il n'y a pas beaucoup de traditions, coutumes. Tout est mélangé. Mais l'Europe, c'est des vieux pays. Ils ont des traditions anciennes. Ils s'attachent à ça avec ignorance. C'est pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'appelle dans le Coran, Hamiyatul Jahiliya. Hein? C'est cette sorte de fierté que les gens ont par rapport à la coutume et la tradition et les mœurs qui sont parfois contraires à la raison ou la logique, et en plus d'être en contradiction avec la foi et la vérité. Hein. Donc tu les vois, sont fiers de s'attachent à la nation, mais par rapport au christianisme, par rapport à la croix, par rapport à des choses que Jésus lui-même, il n'a jamais accepté. Jésus n'était même pas européen. Jésus n'était même pas haïtien. Hein? Et toi, tu parles de lui comme si c'était le numéro un des Européens, le numéro un des Haïtiens. C'est ridicule, hein? Subhanallah. Donc, c'est pour te montrer la contradiction. Tu rejettes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parce que c'est un arabe. Est-ce que Jésus était haïtien? Est-ce que Jésus était français? Est-ce que Jésus était anglais? Hein? Donc, c'est ridicule. Hein? Isa alayhi salam. Jésus, il vient d'un endroit qui est plus proche de d'où vient le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que tous ces autres pays-là. Hein? Donc si tu rejettes, si tu acceptes un, tu dois accepter l'autre. Si tu rejettes un, tu dois rejeter l'autre. Un, tu n'as pas d'autre choix. Parce que les deux, ils viennent avec le même message, la même base, le même fondement. Hein? Et tu les vois parfois, des fois, ils critiquent l'islam par rapport à des règles. Qu'ils trouvent que dans l'islam, c'est dur. Alors que dans la Bible, quand ils lisent dans leur Bible, il y a les mêmes règles qui sont écrites. La même chose, la lapidation, c'est écrit. Et plein d'autres règles aussi. Ils disent, ah, vous les musulmans, vous avez une religion, vous avez des règles qui sont dures. Ces règles-là, elles sont mentionnées dans vos livres. La seule différence, c'est que vous y croyez pas à votre livre. Hein? Même si nous, on sait qu'il est falsifié, qu'il est changé. Mais même s'il était sincère envers ça, il devrait quand même l'admettre. Hein? Ils nous blâment pour des choses qui sont déjà mentionnées dans leur propre livre. C'est ça la contradiction de ces gens-là. Et maintenant, dernièrement, j'ai vu un reportage sur ça. Ils montraient les gens qui marchaient dans la rue avec des pancartes contre l'islam. Ils marchent dans la rue, ils font des manifestations contre l'islam en Europe. et ils critiquent la charia, ils disent on veut pas la charia, on veut pas ci, on veut pas ça. Alors que les règles de la charia que eux ils critiquent, ces règles-là sont dans leur propre Bible, sont dans leur propre livre. Et ils marchent avec des croix ou ils s'associent avec les extrémistes catholiques, les extrémistes juifs contre l'islam, alors que les choses qu'ils critiquent sont dans leur propre livre. Hein? Bon, c'est vrai qu'il y a peut-être des groupes extrémistes parmi les musulmans qui dépassent la limite de ce qui est en accord avec l'islam et qui font des actes, hein, que l'islam a condamnés, comme le terrorisme ou comme des violences, des choses comme ça qui ne sont pas justifiées par la charia et par l'islam. Mais eux, ils font ça au nom de l'islam. Puis ça donne une mauvaise image aux musulmans à cause de ça. Eux, les koufars, ils utilisent ça comme un prétexte pour détester l'islam et propager la haine de l'islam. Mais si on regarde seulement, en mettant ces gens-là de côté, puis en regardant seulement les principes et les textes et qu'est-ce que l'islam enseigne, on voit que les principes de la charia, ils sont à la base enseignés par tous les prophètes d'Allah et acceptés par tous les messagers d'Allah. Hein? Alayhi salatu wassalam. Donc, il n'y a pas de raison de rejeter la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par fierté ou par orgueil, hein, de cette façon-là. Après, le cheikh, il dit, « ثم لا يكفي النطق باللسان والاعتراف بالقلب. Hein? بل لا بد من أمر ثالث وهو الاتباع. قال الله تعالى فيه, فأما الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه فأولئك هم المفلحون حتى لو نصره مثل أبي طالب وحامى دونه وهو يعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لم يتبعه فإنه ليس بمسلم حتى يتبعه ولهذا قال الشيخ ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع فلا بد من الاعتراف برسالته ظاهرا وباطنا واعتقادا ولا بد من اتباعه صلى الله عليه وسلم ويتخلص ذلك في هذه الأربع كلمات هذه الأربع كلمات التي ذكرها الشيخ. Donc le cheikh il dit que non, bon, il dit c'est pas suffisant de reconnaître avec la langue et de reconnaître avec le cœur. C'est pas suffisant de dire avec la langue et de reconnaître avec le cœur. Il faut une troisième chose aussi. Et cette troisième chose c'est quoi? Cette troisième chose c'est de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si tu reconnais avec la langue et tu reconnais avec le cœur, mais que dans tes actions et dans ta façon de vivre, tu suis pas l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors ça compte pas, et dans ce cas-là, c'est pas suffisant. C'est contradictoire même. Et donc, le cheikh, il mentionne le verset 157 dans Surat Al-A'raf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, et ceux qui ont cru en lui, c'est-à-dire en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui l'ont supporté, qui l'ont défendu, et qui ont suivi la lumière avec laquelle il est venu, alors ceux-là sont ceux qui auront le succès. Et qui ont suivi après, tu vois, qui l'ont supporté, qui l'ont défendu, qui ont suivi. Donc c'est toutes ces choses-là qui sont nécessaires. Le cheikh, il dit, regardez, même Abu Talib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a défendu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, malgré qu'il était un mouchrik. Il a défendu son neveu pendant longtemps contre le reste des mouchrikines. Hein, il a défendu et il a protégé pour empêcher que les gens lui fassent du mal, alors qu'il était mouchrik, kafir. Hein. Et donc le cheikh il dit, il sait qu'il est le messager d'Allah, et il l'a défendu, mais il n'a pas suivi son exemple. Il n'a pas voulu le suivre, il n'a pas voulu déclarer non plus. Donc, même s'il a fait tout ça, il n'est pas musulman. Quelqu'un n'est pas musulman jusqu'à ce qu'il suive le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hein, il le prenne comme un modèle. Et c'est pour ça que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, il dit dans la signification de Mohammedan Rasulullah qu'il faut l'obéir dans ce qu'il ordonne, croire en ce qu'il dit, comme information, s'écarter de ce qu'il a interdit, et on doit uniquement adorer Allah parce qu'il a légiféré. Sinon, c'est pas reconnu, c'est pas quelque chose qui est correct. Donc il faut reconnaître, qu'il est venu avec le message, et il faut reconnaître ça de façon extérieure, de façon intérieure, avec le cœur, et avec la croyance aussi. Et donc, il faut le suivre, absolument. Et donc, il faut donc comprendre, à partir de ce que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a mentionné dans ces quatre points, les choses suivantes. Maintenant, le cheikh, il va expliquer chacun de ces quatre points avec des preuves et des détails. Il dit premièrement, al-oula ta'atuhu bima amara, yaqulu Allah jalla wa ala, wa man yuti' ar-rasul faqad ata' Allah. Wa yaqulu subhanahu, wa ma arsalna min rasulin illa liyuta' bi'izni Allah. Faqarana ta'at ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam ma'a ta'atihi subhanahu wa ta'ala. Wa qarana ma'siyat ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam ma'a ma'siyatihi. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا وقال وإن تطيعوه تهتدوا وقال وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون فلا بد من طاعته صلى الله عليه وسلم فالذي يشهد أن محمدا فالذي يشهد أنه رسول الله تلزمه طاعته فيما أمره لقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم عن أمره أي عن أمر الرسول فلا بد من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il dit comme explication pour le premier point? Il dit il faut absolument donc obéir son commandement, obéir le commandement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il mentionne des preuves à ce sujet-là, comme le verset 80 dans Surat An-Nisa. Et quiconque obéit au messager, alors il a certes obéi à Allah. C'est-à-dire que si tu obéis au messager, c'est la même chose que si tu obéis à Allah. Il y en a qui disent non, moi j'obéis seulement si c'est un verset dans le Coran. Si c'est un hadith, j'obéis pas. Non, si c'est un hadith authentique qui est rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est obligatoire de l'accepter et d'y croire et d'obéir. Comme si c'était le Coran. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il nous ordonne d'obéir aux messagers. Et les sahaba, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils se parlaient de la religion entre eux, en se basant sur les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam seulement, des fois. C'est-à-dire que parfois ils parlaient entre eux, ils discutaient sur une question, et quand ils n'étaient pas d'accord entre eux sur quelque chose, un amenait comme preuve pour confirmer la vérité à l'autre, en se basant sur des preuves qui sont dans la sunna, dans les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors que il y avait ces preuves-là étaient présentes dans le Coran, mais ils ne citaient pas du tout le Coran dans certaines occasions. Ils se limitaient uniquement à la preuve de la Sunna. Donc ça, c'est la preuve contre ceux qui rejettent la Sunna ou bien refusent de s'y référer comme étant une source dans la législation dans l'islam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit quiconque a obéi au messager, alors il a certes obéi à Allah. Donc ça, c'est la preuve que d'obéir au messager, c'est la même chose que d'obéir à Allah, parce que le messager, bien entendu, il ne parle pas de lui-même. Le cheikh, il mentionne aussi un autre verset, qui est le verset 64 dans Surat An-Nisa, dans lequel il dit « Et nous n'avons envoyé de messagers, excepté pour qu'ils soient obéis par la permission d'Allah. » Donc ici, on voit qu'il associe associé l'obéissance au messager avec son obéissance à lui. C'est-à-dire Allah, il a associé l'obéissance au messager avec son obéissance à lui. Il a associé aussi la désobéissance au messager avec sa désobéissance à lui. Comme si le fait de désobéir au messager, c'est comme si tu désobéissais à Allah. Et si tu obéis au messager, c'est comme si tu obéis à Allah, la même chose. Hein? C'est pas comme certains qui, comme j'ai dit tout à l'heure, qui rejettent hein, la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Non, non, non. Si c'est pas dans le Coran, je l'accepte pas. A'udhu billah. Ça c'est grave. Hein? Donc, la sunna, il faut l'accepter comme le Coran. Il n'y a pas de différence entre les deux. Il y a des différences, mais sur le plan de l'accepter comme étant une révélation qui vient d'Allah, il n'y a aucune différence. Les deux, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une révélation, les deux, et on est obligé de l'accepter et de la suivre. Les deux, c'est la même chose sur ce plan-là. Et le cheikh, il dit ensuite, que, donc il mentionne le verset 23 dans surat al-Jin, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie « et quiconque désobéit à Allah et à son messager, alors il aura le feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. » Donc ça c'est une preuve que Allah a associé sa désobéissance avec la sienne. La désobéissance au messager, il l'a associé avec le fait de lui désobéir lui aussi. Et dans d'autres versets, il ordonne uniquement d'obéir au messager. Hein? Comme le verset 54 dans surat An-Nur, Allah il dit « Et si vous lui obéissez, vous allez être bien guidé. » C'est-à-dire, si vous obéissez au messager, vous allez être bien guidé dans ce cas-là. Et il mentionne le verset 56 dans surat An-Nur, dans lequel Allah dit « Et obéissez au messager pour que vous ayez, hein, pour que vous soyez, pour qu'on vous fasse miséricorde, pour que vous ayez la miséricorde d'Allah. » Ensuite, il dit, donc, il faut absolument obéir au messager, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, celui qui témoigne que Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est le messager d'Allah, il est obligé, par la suite, d'obéir au messager, dans ce que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a ordonné de faire. Parce que Allah, subhanahu wa ta'ala, il mentionne justement à ce sujet-là dans le verset 7, dans surat al-Hashr, et ce que le messager vous donne, prenez-le, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Donc ça c'est une preuve claire. Allah nous ordonne d'obéir au messager. Et il mentionne ici aussi le verset 63 dans sourate An-Nur, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, et que celui qui contredit son ordre prenne garde, que celui qui contredit son ordre, c'est-à-dire qui contredit l'ordre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il prenne garde, qu'il soit frappé ou atteint par une fitna, ou bien qu'il soit atteint par un dur châtiment, qu'il soit frappé par une épreuve ou qu'il soit frappé par un dur châtiment. Et donc ici dans ce verset, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, c'est-à-dire qui contredisent son ordre, son commandement. L'ordre de qui? L'ordre du messager. Donc, il faut absolument obéir au messager. Donc ça, ça vient réfuter, comme on a dit, ceux qui rejettent l'exemple de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le point numéro 2 dans la définition de Muhammad rasulullah, تصديقه فيما أخبر. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمور كثيرة مغيبة. أخبر عن الله وعن الملائكة وعن وأخبر عن أمور غائبة عفوا نسكز وأخبر عن أمور مستقبلة من قيام الساعة وأشراط الساعة والجنة والنار وأخبر عن أمور ماضية عن أحوال الأمم السابقة فلا بد من تصديقه فيما أخبر لأنه صدق لا كذب فيه. قال تعالى وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Donc, le Cheikh, il explique comme deuxième point qu'il faut croire en ce qu'il nous donne comme information. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il faut croire en ce qu'il dit. Parce que le prophète, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a informé au sujet de beaucoup de choses qui sont cachées, beaucoup de choses qui sont invisibles, qui font partie de l'avenir ou bien qui font partie des choses qu'on n'a pas été témoin dans le passé ou dans l'avenir, ou des choses comme ça. Et qu'est-ce qu'il dit? Ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut y croire. Il nous a informé à propos d'Allah. On n'a pas vu Allah, mais il nous a donné des informations à propos d'Allah. Il nous a donné des informations au sujet des anges. Il nous a donné des informations au sujet de beaucoup d'autres choses qui sont invisibles, qui font partie de des choses de l'avenir, qui vont arriver à l'heure du jugement dernier. Il nous a informé des signes qui vont venir avant l'heure du jugement dernier. Il nous a informé au sujet du paradis et de l'enfer. Il nous a informé au sujet des choses des peuples passés, des peuples qui nous ont précédés. Et donc, il faut croire en tout ça, parce que c'est la vérité. Il n'y a pas de mensonge là-dedans. Et ça, c'est comme qu'est-ce qui est dans le verset 3 et 4 dans Sourate An-Najm. Le verset 3 et 4 dans Sourate An-Najm, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et il ne parle pas selon sa passion. C'est uniquement une révélation qui lui est révélée. Donc, ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ça ne vient pas de lui-même, ça vient de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il faut croire en ça. Et le cheikh, il dit, الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتكلم بهذه الأخبار أو هذه الأوامر والنواهي لا يتكلم بشيء من عنده عليه الصلاة والسلام وإنما يتكلم بوحي من الله عز وجل فأخباره صدق ومن لم يصدقه فيما أخبر فليس بمؤمن ولا صادق في شهادته أنه رسول الله ليس يشهد أنه رسول الله ويكذبه في أخباره كيف يشهد أنه رسول الله ولا يطيع أمره. Donc le cheikh il dit, donc le messager sallallahu alayhi wa sallam, il ne parle d'aucune de ces choses là yani selon sa passion à lui ou de lui-même. Lorsqu'il nous parle des informations qui ont rapport avec l'avenir ou de la religion, ou lorsqu'il dit des choses par rapport aux ordres et aux interdictions, il ne parle jamais de ça de lui-même. Même les informations au sujet de l'avenir ou de l'invisible, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien entendu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas la connaissance de l'invisible. C'est-à-dire qu'il ne connaît pas tout ce qui a rapport avec l'invisible. Il connaît seulement certaines choses de l'invisible qui lui ont été révélées par Allah subhanahu wa ta'ala. Le reste, il ne le connaît pas. Parce qu'il y en a parmi les soufis, ou bien des gens d'égarement, ils pensent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a une connaissance de l'infini, ou de tout. Et ça, c'est de l'exagération et de l'extrémisme, dans la croyance. Ça fait que tu attribues au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam des attributs divines, de connaître l'invisible ou de connaître tout. Et ça, c'est shirk. Donc, c'est pas permis de croire ça. Ensuite, il dit donc, ce qu'il dit, ça vient de Allah subhanahu wa ta'ala, et il parle uniquement selon la révélation qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, donc quand il parle, quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous donne l'information qui vient d'Allah, eh bien ces informations-là sont des informations véridiques, il est véridique. Et celui qui ne croit pas en ça, alors il n'est pas un croyant. Et il n'est pas sincère, il n'est pas sincère dans son témoignage quand il dit أشهد أن محمدا رسول الله. Il n'est pas sincère là-dedans, parce que comment il peut témoigner de Muhammad Rasulullah puis par la suite traiter ces informations de mensonges et nier ce qu'il dit, ou bien témoigner que le messager de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah puis par la suite il ne l'obéit pas, donc ça c'est pas correct. Après le cheikh il dit comme point numéro 3, l'explication du point numéro 3, واجتناب ما نهى عنه وزجر واجتناب ما نهاك عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ونهاك عن أقوال وأفعال وصفات كثيرة ولا ينهى صلى الله عليه وسلم إلا عن شيء فيه ضرر وفيه شر ولا يأمر إلا بشيء فيه خير وفيه بر فإذا لم يجتنب العبد ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن شاهدا له بالرسالة بل صار متناقضا كيف يشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجتنب ما نهاه عنه الرسول صلى الله عليه وسلم والله تعالى يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Donc, troisième point, le cheikh il explique que il faut s'écarter de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit. Donc ce qu'il t'a interdit comme parole, comme action, comme caractéristique, nombreuses choses qu'il a interdit comme caractéristique, hein, il les a uniquement interdites parce qu'il y a un mal, quelque chose de mauvais là-dedans, nuisible. Et il n'y a pas, il n'ordonne pas quelque chose excepté que c'est parce qu'il y a un bien dedans, une bonté dedans. Donc si toi, en tant que serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne t'écartes pas de ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam t'a interdit, alors c'est comme si tu n'as pas réellement pris ce témoignage-là de façon sincère. Tu deviens quelqu'un qui se contredit lui-même parce que tu témoignes qu'il est le messager d'Allah, mais tu t'écartes pas de ce qu'il t'a interdit de faire. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et ce que le messager vous donne, prenez-le, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, idha nahaytukum an shay'in fajtanibuhu, wa idha amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, falabudda min ijtinabi ma naha anhu sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rapporté comme c'est, il a mentionné comme c'est rapporté par Al-Bukhari Muslim selon Abi Huraira, si je vous interdis une chose, alors abstenez-vous-en, et si, je vous ordonne de faire quelque chose, faites-en ce que vous en êtes capable. Ok? Donc qu'est-ce qui est interdit, on s'en abstient. Qu'est-ce qu'il nous ordonne, on fait ce qu'on est capable de faire dans ces obligations-là. Donc il faut absolument s'abstenir de ce qu'il a interdit. Ok? Ensuite, le point numéro 4, qui est le dernier point, parmi les points qui sont mentionnés par le cheikh ici, c'est أن لا يعبد الله إلا بما شرع. تقيد في العبادات تقيد في العبادات بما شرعه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم فلا بد أو فلا نعم بما شرعه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم فلا تأتي بعبادة لم يشرعها الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان قصدك حسنا وإن كان تريد الأجر ولكن هذا عمل باطل لأنه لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم النية لا تكفي بل لا بد من الاتباع فالعبادات توقيفية لا يجوز الاتيان بعبادات لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Donc le cheikh il explique comme point numéro 4 qu'on ne doit adorer Allah que parce que le messager a légiféré. Donc il faut que tu te limites dans tes adorations à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne viens pas ramener de toi-même des adorations que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a pas légiféré, même si ton intention elle est bonne, hein, tu veux la récompense, mais cette action-là elle est nulle, elle est vaine. Donc ce n'est pas suffisant juste d'avoir la bonne intention. Tu dis, mais je pense faire le bien. Ce n'est pas suffisant. Il faut que tu te bases sur l'exemple du messager sallallahu alayhi wa sallam pour faire toute adoration. Et l'intention à elle seule, elle n'est pas suffisante. Il faut absolument suivre l'exemple. Et les adorations, elles sont limitées à ce qui est révélé. On ne peut pas inventer nous-mêmes des formes nouvelles d'adoration ou faire des formes d'adoration qui ne sont pas légiférées par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran ou dans la Sunna. Sinon c'est des innovations, sinon c'est des bid'a. Hein? Donc il n'est pas permis de ramener nous-mêmes des innovations ou des adorations que Allah n'a pas légiféré ou que le messager sallallahu alayhi wa sallam n'a pas légiféré. Le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait une action qui ne fait pas partie de cette religion, eh bien elle sera rejetée. Cette action-là sera rejetée. Ensuite, il mentionne un autre hadith qui est le hadith de Al-Irbad ibn Sariya. Il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, alors suivez ma sunna et la sunna de mes successeurs bien guidés après moi, accrochez-vous à celle-ci et mordez dedans avec vos molaires. et prenez garde aux choses inventées dans la religion, car toute chose inventée dans la religion est une innovation, et toute innovation, toute bid'a est un égarement. Donc toutes les bid'a sont des égarements. Le cheikh il dit, فَلِتْيَانُ بِعِبَادَةٍ لَمْ يَشْرَعْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ تُعْتَبَرُ بِدْعَةٌ مُنْكَرَةٌ مَنْهِيًا عَنْهَا وَإِنْ قَالَ بِهَا فُلَانٌ أَوْ فُلَانٌ أو فعلها من فعلها من الناس ما دامت خارجة عن يعني عن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها بدعة وضلالة فلا بد فلا يعبد الله إلا بما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم والمحدثات والخرافات كلها عمل باطل ونقص وضلال على من أتى بها وإن كان يقصد بها الخير ويريد الأجر فإن العبرة ليست بالمقاصد وإنما العبرة بالاتباع والطاعة والانقياد ولو كنا أحرارا نأتي بما نشاء ونستكثر من العبادات ما نشاء لما احتجنا إلى بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc ça c'est un bon point que le cheikh mentionne ici à ce sujet. Il dit donc que les innovations, les choses qu'on a inventées dans la religion, qui ne font pas partie de ce qui est révélé dans le Coran et dans la Sunna, donc ça c'est des innovations, on appelle ça en arabe des bid'ah. Donc toutes bid'ah sont des égarements, sont des, qu'est-ce qu'on dit en arabe, on appelle ça dalal. L'égarement c'est dalal. Donc toutes les bid'ah sont des égarements. Et le cheikh il dit que il faut absolument adorer Allah subhanahu wa ta'ala parce que il a légiféré par la langue de son messager. Toute invention ou une nouvelle chose ou superstition, des choses qui sont inventées, qui n'ont aucune base dans la religion, eh bien, toute personne qui l'applique cette chose, qui est inventée, elle est fausse. Son action, elle est fausse. Donc, si quelqu'un se fatigue des heures et des heures, des jours ou des mois ou des années à faire une activité ou à faire une action, il pense que c'est quelque chose de bien, il a une bonne intention, mais cette action-là, elle n'est pas légiférée par Allah subhanahu wa ta'ala, par la langue de son messager sallallahu alayhi wa sallam, alors cette action-là, elle sera nulle, elle sera vaine, il n'aura aucune récompense pour ça, même qu'en plus il va être puni, hein, parce qu'il a attribué, il a attribué à la religion quelque chose qui n'en fait pas partie. Le cheikh dit ensuite « wa naqsun wa dalal ala man ata biha wa in kana yaqsudu biha al khayr wal ajr yuridu al ajr » Donc le cheikh il dit ça c'est une action qui est vaine, qui est fausse, qui est nulle, et en même temps c'est une défaillance et un égarement dans ce que la personne a ramené, même si elle avait une bonne intention et qu'elle voulait la récompense. Elle veut la récompense, mais c'est pas suffisant. Parce que c'est pas juste l'intention qu'on doit prendre en considération, comme on a dit tout à l'heure. Il faut prendre en considération le fait de suivre l'exemple et d'obéir et de se soumettre à l'ordre du messager sallallahu alayhi wa sallam. Mais si on était libre et chacun pouvait venir avec qu'est-ce qu'il veut dans la religion, parmi les différentes formes d'adoration que les gens veulent, eh bien, si chacun faisait ce qu'il veut là-dedans, on n'aurait pas besoin d'avoir un prophète. Hein? Chacun pouvait faire qu'est-ce qu'il veut. On n'a pas besoin d'un prophète dans ce cas-là. Chacun va être un prophète. Hein? C'est ça qui est dangereux là-dedans. Et le cheikh il dit walakin man Allah man min rahmatillahi bina lam yakilna ila uqulina wa lam yakilna ila fulan wa allan min an-nas li'anna hadhihi al-umur maradduha ila ash-shar' ila Allah ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا يكفي أو ولا ينفع عفوا ولا ينفع منها إلا ما كان موافقا لما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ففي هذا الابتعاد عن جميع البدع ومن ابتدع شيئا في الدين لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لم يشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشهد الشهادة الحقيقية لأن الذي يشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة حقيقية يتقيد بما شرعه ولا يحدث شيئا من عنده أو يتبع شيئا محدثا مما سبقه ممن سبقه. وهذا معنى شهادة أن محمدا رسول الله، ليست ألفاظا تقال باللسان فقط من غير التزام ومن غير عمل ومن غير تقييد بما جاء به هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il termine donc ce quatrième point et nous on va s'arrêter avec ça aussi, hein, il termine en disant qu'il fait partie de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous qu'il ne nous a pas abandonné à notre logique ou à notre raison, hein, ou à notre jugement personnel pour déterminer les formes d'adoration. Il ne nous a pas non plus abandonné à un tel ou un tel parmi les gens. Hein? Et c'est pour ça donc qu'il faut ramener ces questions d'adoration à la révélation d'Allah, à la législation d'Allah et à Allah et à son messager. C'est pas suffisant juste de faire n'importe quoi. Hein? Ça sert à rien de faire n'importe quoi. Il faut faire quelque chose qui est en accord avec ce que Allah a légiféré ainsi que son messager. Donc dans ce quatrième point, il y a l'ordre de s'écarter complètement de toutes les innovations. Toutes les innovations. Et on sait que les innovations, hein, il y a différentes catégories d'innovations. Et ça peut être des innovations dans les paroles, ça peut être des innovations dans les actions, pratiques religieuses, et ça peut être des innovations aussi dans la croyance religieuse. Donc, tous ces aspects-là, des innovations sont rejetées, sont interdites. Hein? Et le cheikh, donc, il nous dit, il faut nous écarter de toutes les formes d'innovation, de bid'ah, et celui qui a inventé dans la religion quelque chose que le messager sallallahu alayhi wa sallam n'a pas ramené, alors il n'a pas réellement témoigné que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Il n'a pas réellement témoigné parce que celui qui témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah d'une manière réelle et véridique, alors il se limite à ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a légiféré. Et il n'invente pas des affaires à partir de lui-même, hein, ou bien il ne va pas suivre quelqu'un qui a inventé des choses parmi les gens qui l'ont précédé. Il va se référer uniquement à la révélation. Et par rapport à ça, justement, c'est très important, donc, comme le cheikh il le mentionne ici, que yani, il faut absolument s'écarter des innovations. Et que celui qui se base sur les innovations, ses adorations ne vont pas être valables et ne seront pas acceptées. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, malheureusement, ils se basent sur des choses qui n'ont pas de preuves, hein, pour essayer d'établir des choses dans la religion. Et ça, c'est dangereux. Donc le cheikh dit ça, c'est la signification de Muhammad Rasulullah. Ce ne sont pas juste des paroles qu'on doit dire avec la langue, hein, sans s'y accrocher et sans les respecter, sans agir. Il faut au contraire les appliquer et se limiter à ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a expliqué et enseigné au sujet de ces choses-là. Donc, il y avait un petit point peut-être que j'aurais voulu ajouter par rapport à ça. Mais malheureusement, je pense que il m'est sorti de l'esprit. Donc, on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Puis on continuera au prochain cours, bi'idhnillah, avec la suite des piliers de l'islam, l'épreuve de la salat, la zakat et les autres piliers aussi, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.